Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 148. De la gourmandise. Du péché de la gourmandise, sa gravité, les diverses espèces de gourmandise, que, la gourmandise est un vice capital, ses filles. 1. La gourmandise est-elle un péché? La gourmandise désigne le désir immodéré du boire et du manger, elle est évidemment un péché, par cela même que ce désir dépasse les bornes de la raison. Note. On a objecté cette parole du Seigneur, ce qui entre dans le corps ne souille pas l'homme. Matthieu 15, 2. Il est vrai. Aucun aliment ne souille l'homme par sa substance même, ce qui souille spirituellement, c'est la concupiscence déréglée du boire et du manger. Fin de la note. 2. La gourmandise est-elle un péché mortel? Quand l'homme s'attache tellement au plaisir de la table qu'à cause d'eux il est disposé à mépriser Dieu ou à violer ses lois, la gourmandise est un péché mortel. Si, par une concupiscence déréglée, il désire trop les plaisirs de la table, mais sans vouloir rien faire contre la loi divine, ce vice est un péché véniel. 3. La gourmandise est-elle le plus grand des péchés? Tout péché peut se considérer sous trois rapports, d'abord dans sa matière, et, de ce côté, les péchés contre Dieu sont les plus graves, le vice de la gourmandise, qui a pour fin la nourriture du corps, leur est inférieur. Ensuite dans celui qui pêche, et, de ce côté encore, la gourmandise est excusable par la nécessité de prendre des aliments et par la difficulté de régler ce qui convient en cette circonstance. Enfin dans ses effets, à ce point de vue, la gourmandise a une certaine gravité, à raison des différents péchés qu'elle occasionne. 4. A-t-on distingué convenablement les diverses espèces de gourmandise? Saint Grégoire a signalé avec raison les cinq espèces suivantes, la recherche des mets splendides, l'excès de nourriture, la délicatesse, l'empressement et l'avidité. La gourmandise peut porter d'abord sur les aliments, ensuite sur la manière dont on les prend. Pour les aliments eux-mêmes, on pêche par leur recherche exagérée, par l'excès dans la quantité, et par la délicatesse de la préparation. Pour la manière dont on mange, le dérèglement consiste à anticiper le temps raisonnable, ce qui est marqué par l'empressement, et à manger avec avidité. Saint Isidore, résumant ces deux points de vue, dit que le gourmand excède sur la qualité, la quantité, la manière et le temps. 5. La gourmandise est-elle un vice capital? Les vices capitaux sont ceux qui, par leur fin très désirable en elles-mêmes, donnent naissance à beaucoup de péchés. Telle est la gourmandise, qui a pour but les principaux plaisirs, ceux du toucher. Saint Grégoire la compte à juste titre au nombre des péchés capitaux. 6. Convient-il d'assigner cinq filles à la gourmandise? Puisque la gourmandise a pour objet les plaisirs déréglés du boire et du manger, c'est avec raison qu'on lui donne pour filles les suites de ses plaisirs. Ce sont, pour l'âme, la stupidité de l'intelligence, la sotte joie, la loquacité, la jovialité, et, pour le corps, la malpropreté qui consiste dans l'émission déréglée de tout ce qui charge la nature, et l'incontinence, son effet ordinaire. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.